Thank you. veut jouer le rôle de Tom qui Hanks. Veut jouer le rôle de Tom Hanks. Thank you. pas possible, l'ambiance de fou qui règne dans le studio, mais c'est fou. On dirait un album de Franck qui marche sans arrêt. Sonotone, tu mets ton casque et c'est parti. C'est parti. Antisocial. De Trust. Quel intro super pas approximatif. Antisocial, tu perds ton sang-froid.